Eh, l'horizon loin de Talassa, là c'est la tison, la somme. J'cala la basse, ça pire pas d'hasard dès que j'balance la sauce. Lance l'assaut mais nous fait pas crari des hoches. Une vie des boches, j'aimerais bien dire bientôt j'top tout comme Carasso. Par accord encore qu'on se paraphrase des galères en centa. Parano, j'apporte magnole et tord le rayon de la tienda. A pétaille plus cool le matin, c'est bis répétite à le soir. Système D, j'présente bien bras pour entendre petite à le soir. Pépite à spa. Quand la merde, tu me prends son nez devant le pas de la porte. À terme, tu vas grailler l'asphalte. Si t'es qu'une pute, j'vais pas te la prendre, j'aborde. La vie comme une suite de l'air gars qui forge. Rome agricole, j'm'enivre, mais pas pour aller. Guédra des fifoles, j'm'isole. Garde le sang-froid sous l'effet du frozen. J'allume au patibo, crois pas, j'fignole, on fait dans du gros œuvre. J'pose bras, il crame. La prod à zermi, ça pète. J'frôle alpage à dame, loin de ses fonds blards, amis comme il s'arrête. Allez, viens, ici c'est pas ressac journaux. Entre ambition et spin, j'ai même pas le temps d'être dans le jugement. Allez, viens, au désespoir, va faire péter la gueule. On a ferré ta peur et dans nos thèmes, y'a rien de fait, des rateurs. Allez, viens, ici c'est pas ressac journaux. Entre ambition et spin, j'ai même pas le temps d'être dans le jugement. Allez, viens, au désespoir, va faire péter la gueule. On a ferré ta peur et dans nos thèmes, y'a rien de fait, des rateurs. J'fais pas du rap, moralité c'est du coloriage. Ouais. Piaf, le démon que j'ai dans le thorax, c'est bien trop coriace. Il a fallu que j'arrête. Bah ouais, j'apprenne à monter sur le ring et faire un tête-tête versus moi-même. Y'en a, je les connais pas, certains m'en veulent, j'comprenais qui. Puis on m'a appris que je rappais simplement mieux. Je les entends baver, pourtant font rien le reste du temps. J'ai de la ressource, tu le sais, devoir te le prouver serait insultant. J'ai arrêté l'alcool, maintenant faut que j'arrête la pédaf. Quand on m'en parle, je réponds que c'est juste un détail. Je rallume un méga. Entre le rap et le succès, je préfère rester sur mes gars. Plutôt croire en l'invisible qu'à la vérité du shaitan. L'humain est basique, affirme sans connaître. Même en chute libre, la rancune déborde. Ceux qui parlent le plus de fois l'ont souvent mauvaise. Mais bon, moi, qui pour juger l'autre. Allez viens, ici c'est pas ressac journaux. Entre ambition et spin, j'ai même pas le temps d'être dans le jugement. Allez viens, au désespoir va faire péter la gueule. On a ferré ta peur et dans nos thèmes y'a rien de fait, des rateurs. Allez viens, ici c'est pas ressac journaux. Entre ambition et spin, j'ai même pas le temps d'être dans le jugement. Allez viens, au désespoir va faire péter la gueule. On a ferré ta peur et dans nos thèmes y'a rien de fait, des rateurs. C'est super simple, j'trouve des glitches, jamais j'ouvre des livres. J'finirai toujours par m'exploser la tête pour écrire pas stupide. J'suis trop souple, pas subtil, j'suis old school, non. Je changerai pas ton mèche contre une pipe pour la prod lourde. C'est ça, de faire le premier clic, son corps bourré de la veille. Chaque jour qui passe me rapproche de celui que j'voulais pas être. C'est une question de temps, restera par mes choix. J'prends du poids, de la vitesse. J'vois le mur qui se rapproche à chaque déboire. J'en ai niqué des amitiés. J'tardais des deadlines, des dettes par-dessus la tête, ouais. Y'a toujours de l'écaille, c'est pas de l'eau dans mon vin. De la coupe dans ton poche, tard, j'compose avec mes lacunes. J'en pris forme les cauchemars. J'apprécie les beuveries, la pluie, le silence. Au pied de l'arc-en-ciel, y'a qu'une flaque d'huile de vidange. Dépendant de l'alcool et tout ce qui me cause des problèmes. Beaucoup m'ont mis de tes cons, pensant que je reviendrai sobre et correct. Allez viens, ici c'est pas ressac journaux. Entre ambition et spin, j'ai même pas le temps d'être dans le jugement. Allez viens, au désespoir va faire péter la gueule. On a ferré ta peur et dans nos thèmes y'a rien de fait, des rateurs. Allez viens, ici c'est pas ressac journaux. Entre ambition et spin, j'ai même pas le temps d'être dans le jugement. Allez viens, au désespoir va faire péter la gueule. On a ferré ta peur et dans nos thèmes y'a rien de fait, des rateurs. Faut leur dire qu'on va les rapper sol, sauf pour enlever les cadavres. Ma plus noire c'est sun, si ça pue le seum, j'suis passé par là. Bien sûr qu'on entend les cris, la terre agonise. Partant que j'reste laconique, les douleurs deviennent chroniques. Porte au trip, donc j'fais un comique. Hey, si ça passe pas par la porte, j'casse la fenêtre et casse la tienne. Tes pensées malsaines, va pas le quart des miennes. Encore un soir où j'rechute et j'sais bien qu'y'en aura d'autres. J'en ai ras, que j'veux plus qu'on discute. Ça me brûle au fond de la gorge, elles sont bien loin. Mes anecdotes, frère, j'fais de la merde, pas des pièces d'orfèvre. Termine morouette, liqueur brunat, j'm'en tête, ribasse ou mouette. On n'a pas la poésie dans l'âme et la poisse dans la peau. Y'a toujours une couche dans le potage, la résine sur ma paume. Y'a pas grand chose qui tourneront, donc je rentre pas dans leur carré. J'ai jamais trouvé de vocation, je t'encule si tu me parles carrière. Ça sera jamais assez bien pour plaire, donc je le fais rien que pour ma drogne. Vu que c'est pour les autres, ça sert à R, me parle plus d'effort. Allez viens, ici c'est pas ressac journaux. Entre ambition et spin, j'ai même pas le temps d'être dans le jugement. Allez viens, au désespoir va faire péter la gueule. On a ferré ta peur et dans nos thèmes y'a rien de fait, des rateurs. Allez viens, ici c'est pas ressac journaux. Entre ambition et spin, j'ai même pas le temps d'être dans le jugement. Allez viens, au désespoir va faire péter la gueule. On a ferré ta peur et dans nos thèmes y'a rien de fait, des rateurs.